Chapitre 18e. Règlement de compte. À la maison commune, les deux prisonniers, encore un peu groggy, furent enfermés au sous-sol. Anicet fit sa déclaration à l'officier de permanence. Il prit sa grosse voix, arguant que la municipalité devait reprendre les choses en main, qu'on était plus en sécurité chez soi, même la nuit, et que des brigands faisaient la loi. Il allait de ce pas en référer à Émeric David, qui devait prendre ses responsabilités. L'officier le laissa parler, car en son fort intérieur, il était bien du même avis qu'Anicet. Pour frapper fort, la garde nationale n'attendait que des ordres. Anicet refusa de partir une fois sa plainte enregistrée. « Je ne quitterai pas la mairie tant que je ne saurai pas si le procureur poursuit ou non. »« Hein ?» fit l'officier surpris. « Et si le procureur décide de ne pas inculper tes agresseurs ?»« Eh bien, j'irai voir le vice-maire avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi et qui attendent toujours qu'on leur rende justice. Ce n'est tout de même pas une poignée d'excités qui doit faire la loi, des dieux. » L'officier éprouvait de la sympathie pour cet homme jeune et intrépide. Pour lui, il représentait la véritable image de la Révolution. « Écoute, citoyen, je te comprends, mais ça risque d'être long, et tu ne vas pas rester ici durant la vie des rats. Reviens cet après-midi et demande après moi, je suis le commandant Reboul, je te promets que j'en saurai plus. » Pendant ce temps, Corentin avait pris le chemin de l'Hôtel-Dieu avec les clopés, mais traversant la place de l'archevêché, il se dirigea vers la porte du cloître dans lequel donnait le presbytère. « Où est-ce que tu m'amènes ? » s'écria le blessé. « Ce n'est pas l'Hôtel-Dieu ici. »« Laisse-moi faire, » répondit Corentin. « Je vais te faire soigner par quelqu'un de bien plus compétent que tout il aimait Adjet de l'hôpital réuni. » Il se fit ouvrir et demanda après le chanoine Jouve. Un homme, probablement le sacristain, les conduisit dans le presbytère et les introduisit dans une pièce du rez-de-chaussée. Un ecclésiastique grand et fort, un peu voûté par l'âge, vint alors à leur rencontre, levant les bras en l'air à la vue de Corentin. « Ce n'est pas si souvent que tu viens me voir, enfant ingrat, » dit-il en souriant. Lorsque Corentin et Anicet étaient à l'orphelinat des sœurs, le chanoine Jouve, alors simple frère, était le seul contact masculin des jeunes garçons. En plus des quelques rudiments de science qu'il leur inculquait, il leur donnait un peu d'exercice et leur fit découvrir l'art de se battre au bâton, à l'insu des sœurs qui n'auraient guère apprécié ses brutalités. Il avait plaisir à dire « Tout homme libre et tout pèlerin doit savoir se servir d'un bâton, pour sa sécurité autant que pour celle de ceux qu'il protège. » Ayant appris cet art d'un maître turc durant ses voyages, il réussit à faire des deux garçons des experts redoutables. Les deux amis avaient gardé une solide affection pour cet homme qui leur avait servi un peu de père. Toujours féru de science, le frère s'était versé dans l'étude du corps humain, et particulièrement du squelette, dont plusieurs spécimens articulés étaient pendus ici et là dans son cabinet de travail. « Mon père, je vous amène un homme qui a reçu un coup sur l'avant-bras. Je suis sûr que vous allez diagnostiquer son mal comme s'il avait une peau transparente. » Le chanoine examina scrupuleusement l'avant-bras gauche de l'homme, palpant les chairs, faisant jouer les articulations, sans tenir compte des gémissements du blessé. « Parfait. Rien de bien grave. C'est le radius qui est touché. Je ne suis même pas certain qu'il soit cassé. » « Tu vas lui faire une attelle, Corentin. Pour toi, c'est un jeu d'enfant. Nous allons prendre un gabarit de son avant-bras et tu pourras lui construire un appareil à sa mesure. » Le chanoine, muni d'un crayon à mine de plomb, posa l'avant-bras du blessé sur une feuille de papier et en dessina l'empreinte du poignet jusqu'au coude. « Voilà, » dit-il à Corentin, « prévois du jeu qu'on puisse y glisser un rembourrage. Anicet te donnera tout ce qu'il faut pour le faire. » Le blessé n'osait rien dire, se laissant faire, avec toutefois une pointe d'inquiétude dans le regard. Corentin comprit ce qui lui posait problème et prit le chanoine à l'écart. Succinctement, il lui exposa la situation, lui faisant comprendre que cet homme, de plus diminué, serait une proie facile pour ses acolytes. « Parfait, » se réjouit le chanoine. « Nous allons donc ramener un mécréant dans la maison de Dieu. » Il fit signe à l'homme d'approcher. « Sabes contar ?» lui demanda-t-il. « Ok, sabi mei chifras. » Tiens, « compte-moi les livres qui sont sur cette étagère. » L'homme s'exécuta et rendit un compte exact. « Tu saurais écrire ce nombre ?» s'enquit le chanoine. De sa main valide, l'homme écrivit le nombre sur une feuille de papier. « Sabes legir tambin ?» continua le chanoine. « Pas de trop. Par les loups provençaux, mais pas l'eau française, et encore un mince l'eau latin. » « Ouais, tu n'es pas le seul ici-bas. » « Mais pour ce que je vais te demander, ce n'est pas du tout nécessaire. Nous allons te garder ici jusqu'à ce que ton bras se ressoude. Tu t'occuperas de compter les cierges, les bougies, et de faire en sorte que rien ne manque. En échange, tu auras le gîte, le couvert, et même quelques pièces pour fréquenter l'estaminet voisin. « Oh non, » dit l'homme, « je préfère rester ici. » « Alors, marché conclu, bonhomme. Et n'oublie jamais que si tu te manques, moi, je ne te manquerai pas. » « Demande à Corentin ce que je sais faire avec un bâton, » ajouta-t-il en riant. « En attendant d'avoir ton attelle, tu peux trier ses os. Tu mets ensemble ceux qui sont pareils. » L'homme contempla les os parsemés sur une longue table, puis d'une main commença à exécuter sa tâche. Corentin prit congé pour aller fabriquer l'attelle du sbire. Devant chez lui, il rencontra Nicée qui revenait de la mairie. « Alors, ça a marché ?»« L'officier a pris ma plainte et je saurai cet après-midi si le procureur poursuit. » En attendant, je vais aller jeter un œil chez Hyacinthe pour voir comment les choses se passent pour Béranger. » Anicet toqua au carreau et poussa la porte de l'échoppe. Il tomba sur un spectacle pour le moins insolite. Hyacinthe tenait dans ses bras Jeanne, dont les épaules étaient secouées de gros sanglots. Il lui tapotait doucement l'épaule pour la consoler d'un chagrin qui semblait important. Il ne connaissait pas l'aventure éphémère de Jeanne et du cordonnier et s'imagina que Jeanne pleurait d'amour pour lui. Craignant d'être importun, Anicet fit mine de repartir. « Non, reste, Anicet, au contraire. »« Que lui arrive-t-il ? » demanda timidement le tapissier. Hyacinthe ne répondit pas tout de suite. Finalement, il expliqua que Jeanne avait un énorme chagrin du départ d'Angèle. « Ah ! » murmura Anicet, « je n'aurais jamais cru que cela lui fît tant de peine. » Et en lui-même, il se dit que lorsqu'il les avait trouvées toutes deux au lit, il ne s'était peut-être pas trompé sur leur relation. Comme s'il l'avait deviné, Hyacinthe lui dit « « Non, tu te trompes, Anicet, ce n'est pas ce que tu imagines. » Jeanne s'écarta de Hyacinthe et se moucha bruyamment. « Elle l'aime, » dit Hyacinthe à voix basse. « Elle l'aime ? Mais comment elle l'aime ?»« Eh bien, Macao, » dit Jeanne dans un sanglot, « on est bien un chien ou un âne. On peut bien aimer une femme, non ? Tu n'as jamais aimé, toi ?»« Si fait, bien sûr, mais... »« Mais quoi ? Tu m'énerves à la fin. On peut bien aimer quelqu'un sans forniquer. Tu aimais bien Manon, sans coucher avec ?» avant de te mettre avec elle. » Elle se moucha bruyamment, puis l'air buté ajouta. « Si Angèle s'en va, je me tue. »« Jeanne, Jeanne, tu dis des bêtises. » déclara Hyacinthe en la reprenant dans ses bras. « Pense à ceux qui restent. Nous, on t'aime aussi, Jeanne. Et si tu partais, tu nous manquerais, comme Angèle te manquera. »« Non !» se récria Jeanne. « Ce n'est pas pareil. Si je disparais, ça ne t'empêchera pas de respirer. Tandis qu'Angèle, tu comprends ?» Il se remit à sangloter de plus belle. À ce moment-là, Béranger passait la tête à la porte de la pièce attenante, pièce qui donnait sur la rue Saint-Laurent. « Je pourrais sortir ? » demanda-t-il timidement. Son air était tellement penaud et gauche que les autres éclatèrent de rire, même Jeanne, malgré son chagrin. « Bien, il n'y a rien à craindre. Si jamais quelqu'un entre, tu te sauves en vitesse. » Anicet lui raconta alors la nuit qu'ils avaient passée dans son atelier, l'agression des trois sbires, leur mise hors de combat et leur arrestation en début de matinée. « Eh bien, si j'avais su que je te procurerais autant de soucis, t'inquiète, tu vois, tout s'est bien passé. Mais je voudrais tout de même savoir pourquoi Rive s'acharne autant après toi. Après tout, nous étions une dizaine au moins, dont sept hommes, alors pourquoi juste toi ? Oh là ! » Ça remonte à l'époque où Rive a été nommé comme bibliothécaire. C'est un vrai panier de crabes, cette histoire. Il avait loué une voiture dont il avait cassé une roue. Il m'a porté la voiture à réparer et ne m'a jamais payé la roue qu'il avait d'ailleurs fallu que je refasse à neuf. Quand j'ai réclamé mon paiement, il m'a fait jeter hors de chez lui, tu te rends compte ? Une autre fois, il a voulu m'emprunter un chariot pour déménager. Il ne manque pas d'air, ce lascar. J'ai refusé, bien sûr. Eh bien, il a écrit un mémoire sur ma façon de voler les clients. Ah, capone de bon Dieu, le chien ! Alors, quand il a su que j'étais mouillé dans l'affaire Pascalis, il y avait une bonne occasion de se venger. C'est un malfaisant, un rancunier, un voleur, une fripouille ! S'emporta Béranger. Tu l'as dit, affirma Hyacinthe, et va te plaindre maintenant. Oh, mais j'ai l'impression que ça va changer, avança Anicet. La municipalité a fini par comprendre qui orchestrait les troubles en sous-main. Constatant l'air toujours éploré de Jeanne, Anicet lui dit, nous allons parler à Angèle, Manon et moi. Garde espoir, Jeanne. Béranger s'enhardit à jeter un coup d'œil dans la rue du Griffon. Vous croyez que je peux essayer d'aller faire un tour chez moi ? J'aimerais récupérer mon argent d'abord et puis des objets auxquels je tiens. En principe, tu devrais maintenant être tranquille puisque tes ennemis sont sous les verrous. Mais sois tout de même prudent. Ce n'est pas moi qui vais t'apprendre que l'abbé du diable a la rancune tenace. Et où iras-tu après ? Je n'en sais fichtrement rien. Si tout est calme, je resterai peut-être caché chez moi. » Toujours prête à rendre service, même dans ses moments les plus pénibles, Jeanne lui proposa de lui porter à manger, si on ne le voyait pas revenir. « Tu vois, Jeanne, » fit remarquer gentiment Hyacinthe, « là, tu nous prouves qu'Angèle a une bonne influence sur toi. Je suis bien d'accord. Il faut absolument qu'elle reste parmi nous. » Pour éviter de mauvaises rencontres, Béranger prit par le nord de la ville au lieu de tirer droit par la rue des Cordeliers vers l'ouest. C'était l'heure du déjeuner, et en passant par le boulevard Notre-Dame, il se glissa ensuite derrière le pavillon de la Molle pour rejoindre le faubourg, derrière le cours Sextus. Il traversa un petit champ pour rentrer dans sa maison par une porte dérobée qui servait à sortir les chevaux ou les engins à graire en évitant la rue. Aussitôt, il remarqua que cette porte, pourtant solide, avait été forcée. Il s'arma d'un bout de pieu qui traînait à terre et poussa doucement le battant. « Ces bandits ne reculent devant rien. Ils n'hésitent pas à forcer les maisons pour assassiner les gens, » pensa-t-il. Il pénétra dans la cour, fermée par un haut mur donnant sur la rue. Aussitôt, il déplora les dégâts. Un charton presque terminé était éventré, les roues en miettes. « J'aurais encore préféré qu'ils le volent, plutôt que de détruire bêtement mon travail, » ragea-t-il. Des cercles de métal avaient été projetés aux quatre coins. Il y en avait même sur le toit d'un appentis. Le logement était constitué d'une maisonnette d'un seul étage. La porte en avait également été fracturée, mais les dégâts paraissaient moins importants. Tout au plus des chaises renversées, quelques pièces de vaisselle cassées et des restes de repas nauséabonds. Les sbires avaient dû camper chez lui en attendant. De toute évidence, c'était des méthodes de brigands, d'assassins et non celles de la police ou de l'armée. Il jeta les ordures dans un seau et alla le vider dans le champ derrière la maison. Puis il se mit en devoir de faire du feu, autant pour réchauffer la pièce que pour chasser les froides odeurs rances. Le feu prit rapidement, et Béranger, à genoux, était en train de l'attiser avec le pic, quand il crut percevoir un froissement de tissu. Pour jeter un coup d'œil dans la pièce, il se retourna. Un homme fondait sur lui, le bras haut levé, brandissant un couteau. Par réflexe, Béranger riposta d'un puissant coup de pic, atteignant l'agresseur au bas de l'abdomen. Surpris par la rapidité du geste, l'homme lâcha son couteau, tituba en se tournant le ventre, et finit par s'affaler sur une chaise voisine. Remis un peu de son émotion, Béranger se lâcha. « Fan de putain! Mais d'où tu sors, toi? Qu'est-ce que tu me veux? Tu fais partie de la bande des autres ?» L'homme haletait et son pantalon commença à se teinter de rouge. « Alors, tu parles ?» rugit Béranger. « Ou je te laisse crever comme un chien sur ta chaise ?» L'autre avait du mal à supporter sa douleur. Béranger savait que la blessure était analogue à celle d'une baïonnette. Le pic n'avait peut-être pas atteint un organe vital, mais ayant traversé la paroi abdominale, il causait une inévitable et fatale hémorragie interne. Béranger chiffonna un bout de tissu en boule et le donna au blessé. « Mets ça sur ta plaie et appuie fort, » conseilla-t-il. « Alors, maintenant je t'écoute. » « Tu as tué mon frère, fio des putas !»« Ton frère est ? Et quoi era ?»« La strangola ambla cusana de la muela. Taivis de loin. »« Ah, pourquoi tu ne t'es pas vengé sur le champ ? C'était facile de venir me donner un coup de couteau. On n'y voyait presque rien. »« Ceux qui étaient avec toi m'auraient réglé mon compte tout de suite. Je voulais me venger, mais si possible rester en vie. »« Mais pourquoi tu ne l'as pas dit aux autres ? Chez nous en Corse, on n'a besoin de personne pour se venger. » poursuivit l'homme. « Peut-être, » repartit Béranger, « mais en attendant, tu vas mourir. Pas tout de suite, mais tu vas mourir. Désolé, mais je n'ai pas eu le temps de viser ton cœur. » Puis après un coup d'œil circulaire sur la pièce, Béranger demanda, « C'est toi qui as mis tout ce bazar ?» L'homme nia de la tête. « Je suis passé par derrière, c'était ouvert. J'étais sûr que tu allais revenir, il n'y avait qu'à attendre. » « Eh oui, d'un peu, tu réussissais ton coup. J'ai eu plus de chance que toi, voilà tout. » Béranger constata que le tampon de tissu commençait à rougir à son tour. Il vaudrait mieux que tu t'allonges. Tu perdras moins de sang. Je vais t'aider à te lever et tu vas t'étendre par terre. Béranger soutint l'homme qui s'allongea avec précaution. Puis le charron lui glissa sous la tête une couverture qui traînait là. J'ai froid, gémit le Corse. C'est normal. Je vais te donner à boire. Béranger alla tirer de l'eau au puits dans la cour. En revenant, il constata que l'homme avait fermé les yeux, tentant de réguler sa respiration et de regagner quelque force. Béranger soutint sa tête pour lui donner à boire. Soudain, devant cet homme jeune, il fut pris de remords. S'il avait pu revenir en arrière, il aurait essayé d'esquiver le coup et de maîtriser son adversaire. Mais l'instinct avait été le plus fort. Tout ce que nous savons faire, c'est nous entretuer, pensa-t-il. Ah, elle est belle, la fraternité. Capone Dio, que de progrès sont à faire. À partir de ce moment, il fit tout son possible pour amoindrir les souffrances du blessé. Ayant servi comme charron dans les armées de Louis XVI, il savait par expérience qu'on ne réchappait pas de ce genre de blessure, et il en était désolé. Il n'y avait qu'à attendre la fin. L'homme le comprit également, et semblait ne pas éprouver de rancune vis-à-vis de Béranger. Il l'avait joué, il l'avait perdu, c'était la dure loi du crime. Béranger se mit à lui parler pour lui faire oublier sa situation, et le jeune homme lui répondit en murmurant. Le charron apprit ainsi que son frère et lui étaient venus de Corse, où ils crevaient de faim. Débarquant à Marseille, ils espéraient s'y établir d'une façon ou d'une autre. Très vite, ils tombèrent aux mains d'une bande d'escrocs corses, des païs, qui leur montrèrent que l'argent était plus facile à voler qu'à gagner. Ils étaient montés de Marseille en suivant la garde nationale de cette ville, accompagnés d'autres malfrats de tous bords, escomptant des rapines et des filles à violer impunément. « Tôt ou tard, il fallait que ça finisse comme ça, » conclut-il, « mais j'aurais bien aimé partir plus tard. » Le jeune homme s'éteignit doucement, à la nuit tombée, après avoir perdu tout son sang. Béranger lui ferma les yeux et dit une prière pour le repos de son âme. Il lui recouvrit le visage de la couverture et, passant dans le champ derrière la maison, creusa une tombe peu profonde en surveillant les alentours. Avant de l'ensevelir, il déposa entre ses mains une des petites croix de bois qu'il s'amusait à fabriquer pour se délasser. Alors qu'il terminait l'ensevelissement, il sentit une présence. Dans l'obscurité, une femme le regardait, serrant sur son ventre un panier. C'était Jeanne. Béranger revint vers la maison et l'y entraîna. Il lui prit son panier, le posa à terre, la prit dans ses bras et se mit à pleurer sans bruit sur son épaule. « Tu vois, moi aussi je pleure, » lui dit-il. « En l'espace de quelque temps, j'ai tué deux hommes, deux frères, bêtement, comme un animal. » Jeanne ne dit rien car elle ne savait quoi répondre. « Est-ce que tu voudrais m'accompagner à l'église Saint-Jean-Baptiste, cour Sextius ? J'ai besoin de prier pour le repos de l'homme que je viens d'enterrer. » « Oui, et moi aussi, j'ai quelque chose à demander à la Sainte Vierge, » ajouta Jeanne. Revenant du presbytère en fin de matinée, Corentin avait raconté à Armande ce qui s'y était passé. Cette dernière était en train de sculpter des entrelacs sur un dossier. Elle l'avait écouté attentivement, pendant que lui s'était mis à fabriquer la telle de l'homme au bras cassé. Au bout d'un moment, Armande soupira et avoua ce qu'elle avait sur le cœur. « Je trouve que depuis ces journées de décembre, rien ne va plus comme autrefois. Nous étions si bien avant, pleins de promesses et d'espoir d'être un jour mariés, de bien vivre de notre travail. Au lieu de ça, alors que nous vivons maintenant ensemble, je suis plus triste qu'avant. Je me pose des tas de questions, et les événements ont fait baisser nos affaires. Pour Anissé, c'est pareil, j'en ai parlé avec Manon qui se fait beaucoup de soucis aussi. « Ah, ça n'est pas facile, » soupira Corentin sans poursuivre sa phrase. Armande, lancée, continua ses aveux. « Quand je me suis marié avec Anissé, j'étais si contente de venir habiter Aix. Cette ville me semblait une cité agréable, où la vie était facile, les plaisirs nombreux. De beaux hôtels, des cours larges. Au début, j'étais enthousiaste. Mais depuis ce temps, je ne peux plus voir cette ville en peinture. À part dans les quartiers de l'autre côté du cours, les rues sont sales et étroites. Maintenant, je trouve Aix laide. Les gens sont méchants, ternes, et surtout, je n'aurais pas cru qu'il y ait tant de pauvres. Finalement, cette ville n'est que du tape-à-l'œil. » Corentin, de le fond d'accord avec elle, ne commenta pas. Aussi, elle continua. « D'ailleurs, tous ces nobles et ces bourgeois de robe, c'est aussi du tape-à-l'œil. Ce sont des pleins de vent. Ils font beaucoup de bruit, beaucoup d'effets de manche, beaucoup de belles paroles, tout pour la façade, mais sous leur masque, ce sont des coquins. Et plus ils ont d'argent, plus ils sont ladres. Tous ces procès pour un rien, qui nourrissent une armée d'avocats, de greffiers, de juges, ça ne pouvait pas durer. Celui qui est sans le sou est certain de perdre son procès. Alors tu sais, la disparition du Parlement, ce n'est pas moi qui vais pleurer dessus. Ah non !» Là-dessus, Anissé entra dans l'atelier de Corentin. Il avait le chapeau de travers, la veste mal boutonnée, l'air féroce. En bref, les cornes à l'envers, comme lui dit Armande. « Tu reviens de la mairie ?» lui demanda Corentin. « Ouais, » répondit brutalement Anissé. « Cet abruti de procureur, » dit-il en minaudant, « ne sait pas s'il va poursuivre ou non. En réalité, il ne sait pas combien je peux lui verser pour qu'il le fasse. Voilà la vérité. » « Tu vois ce que je te disais, Corentin ?» affirma Armande. « Écoute, tant qu'il ne libère pas, c'est toujours ça de prix, » lui fait remarquer Corentin. « Oh, mais patience. J'ai entendu dire que l'Assemblée constituante avait nommé des commissaires pour amener l'ordre et rendre la justice. Des gens venus de l'extérieur, ça va remettre les pendules à l'heure, je te le dis. Jusque-là, révolutionnaires ou pas, les administrateurs et les juges s'entendaient au niveau local, comme ils l'ont toujours fait. Mais à présent, ils vont avoir affaire à l'administration de la nation. Je suis sûr que ça va changer. D'autant, poursuivit Corentin, que la haine de Rive s'est étendue contre la municipalité. Ils commencent aussi à nous accuser, nous, les amis de la Constitution, d'être de faux révolutionnaires. Je crois même que son chien ne trouve pas grâce à ses yeux et qu'il finira par lui couper la tête. C'est un fou, conclut Armande.